Et maintenant, c'est l'invité explosif. Et notre invité, c'est Alexis Loison. Je le répète, alors j'ai pas dit tout à l'heure que tu étais comédien. Ce qui est bête. C'est un détail. C'est un détail, n'est-ce pas? Voilà, je reste dans la thématique. J'ai pris mon four, sans mauvais jeu de mots. Non, je voulais pas la faire en plus, c'est sorti tout seul. Bon, alors, pour que les gens te connaissent, tu as fait le cours Florent. Oui. Et on a pu te voir dans des programmes pour Canal+, Rien dans les poches par exemple. Oui. C'était pour Canal, ça, c'est ça, hein? Oui, c'était pour Canal+. Et dans Hard saison 2. Ouais. Tu faisais quoi dans Hard? Je faisais un tout petit rôle dans un épisode où en fait on était plusieurs à passer un casting pour. Casting de quoi? Un casting. non, en fait c'était pour réaliser le fantasme d'une des actrices qui voulait revivre une scène du film Le Lauréat avec Dustin Hoffman. Ah, d'accord. Mmh. C'est ça. Voilà. Ouais. Et puis tu as été dans le musical Footloose. Oui. Parce qu'on peut le dire, tu es surtout comédien de comédie musicale. Oui, entre autres. Oui. Alors il y a un nom pour comédien. Non, on dit comédien de comédie musicale. On dit chanteur, par exemple. Comédien à l'américaine. Comédien. Ah, yeah. C'est bien, ça le fait. Quand même. Le mec s'invente ses termes et tout. Ouais, c'est bien. C'est pour pas paraître un gars. Non, parce que tu vois, on dit comédien de doublage, on dit comédien, mais on dit pas comme. Ouais, tout le monde s'en fout. Bon, d'accord. Et alors, Footloose, comment tu es arrivé dans l'aventure Footloose? Eh bien, pour ça, c'était assez simple. Il y avait une annonce de casting. J'ai passé un casting. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir eu parce que j'étais plutôt très très jeune, un petit peu trop jeune à l'époque. Et en fait, ça s'est très bien fait. Ça s'est fait juste à la suite de la fin de mon cursus au cours Florent. Et ça s'est très bien enchaîné. Parce que j'ai appris qu'il y avait un cursus comédie musicale la semaine dernière avec Vital. C'est vrai. Dont tu as fait partie, apparemment. Oui, oui. À la base, c'était juste une section de danse. Et en fait, ça s'est développé parce qu'il y avait plein d'artistes qui étaient au cours Florent et qui finissaient dans des comédies musicales. Donc, ça s'est bien développé au cours Florent, oui. Et Footloose, c'était ton premier gros spectacle musical? Oui, exactement. Tu avais fait d'autres choses avant? Non. C'était... Enfin, oui, j'avais fait d'autres choses avant, mais là, c'était ma première grosse scène parisienne avec ce spectacle et mon premier rôle. Et après, tu as joué Aladdin dans Aladdin, le musical, mis en scène par David Rosen. Oui. Spectacle qui a connu un gros succès. Oui. On peut le dire. Je crois que le mot n'est pas faible. il va y avoir une reprise? A priori, oui, il y a une reprise la rentrée, oui. Wow. Et grosse coupe, là. Super. Ouais. À la rentrée, tu sais où? Tu as le droit de dire où? Enfin, tu sais peut-être où? Oui, je sais. Après, je préfère pas me risquer à dire. Enfin, normalement, on va avoir des problèmes. On va avoir des problèmes. Bon, en tout cas, voilà, les auditeurs le savent. Aladdin va revenir. Tweetez, hein, dites-nous si vous êtes content de la reprise. Et tu as été sélectionné aussi par Stage Entertainment pour jouer le rôle de Gaston. Oui. Dans le musical La Belle et la Bête au théâtre Le Mogador, c'est ça? Exactement, oui. Et en 2017, tu seras Stanley dans l'adaptation live de Disney. Oui. C'est prévu pour 2017. Et on a vu le teaser. Alors, j'ai vu que le teaser a été visionné par 91 millions de personnes. 92 même. Pardon, excuse-moi. Moi, quand je l'ai regardé, c'était 80. Non, mais Alexis, il a les chiffres. C'était hier. Il actualise, là, en ce moment même. C'est bien. Alors, comment tu t'es retrouvé dans ce film? Eh bien, en fait, c'est par le meilleur des hasards, parce que à l'époque, l'équipe du film, l'équipe Disney du film qui était préposée tourner le film en France, était venue faire des repérages pour des villages en France. Et ensuite, Alan Menken, qui était à New York, les a rencontrés, leur a dit « Si vous allez en France, profitez-en pour passer à Paris, parce qu'en ce moment, ils jouent La Belle et la Bête, de Disney toujours, au Théâtre Mogador, et vous allez voir, c'est fabuleux. » Donc, il nous a bien vendu, Alan, c'est sympa. Et donc, du coup, l'équipe Disney, le réalisateur, les producteurs sont venus, ont vu le spectacle, et à la suite du spectacle, sont venus me rencontrer en coulisses pour me proposer un rôle, en fait, dans le film qui se tournait quelques mois plus tard. Et j'ai réfléchi un peu. J'ai dit, écoutez, je sais pas, si je peux et tout. Est-ce que le teaser sera vu par 92 millions de... J'ai 91, je sais pas. Je vous donne une réponse dans une semaine. Voilà. Alors, justement, t'as tourné longtemps? T'as fait combien de jours de tournage? Pour le film. Ouais, pour le film. Comme c'est une comédie musicale, et c'est pas un scoop, hein, mais il y a eu 2 mois et demi à peu près de répétition, parce que c'était très très long et très spécifique de tourner une comédie musicale en film. Et ensuite, il y a eu à peu près 1 mois et demi de tournage. D'accord, c'est cool. Ouais. Et alors, comment on se retrouve? On n'est pas trop flippé quand on arrive sur tournage? Ben oui, on est vraiment flippé en fait, surtout quand on voit. Mais ça dure vraiment pas longtemps parce que les gens sont absolument adorables. Mais quand on voit débarquer Luke Evans, Emma Watson, Ian McKellen, Ewan McGregor au compte-gouttes dans le studio, répéter avec nous. Et en fait, au départ, moi j'étais extrêmement angoissé, j'étais très timide et en fait ils sont tous très cool parce qu'ils savent qu'on est là pour la même chose et qu'on mérite autant qu'eux d'être là. Puis les Américains sont connus pour être sympas quoi. Ils sont sympas. Et puis Arnaud... surtout ils ont vu débarquer Alexis Loison dans le studio. Qui est sur Pantoufle Explosive. Attendez. On a une star internationale quand même. tu voulais rajouter un truc Arnaud? Oui, j'avais une petite question, est-ce que pour l'enregistrement, enfin le tournage, il y avait le même principe que pour Les Misérables? Tu sais, ils ont fait un principe très particulier où ils enregistraient tout en live sur le moment. Tout a été les musiques en fait, les chants. Il n'y a pas eu de studio ensuite. Tout a été fait sur le moment. Non, tout a été fait. Là, pour le coup, c'était la plus classique. En amont et ensuite en studio. Sur le moment, ouais. Playback. Mais pour autant, les gens avaient pour consigne de chanter tout le temps sur le tournage. Parce que quelquefois ils prennent des sons en live et ensuite ils font un mix, donc ce sera un petit peu d'accord. De studio, un petit peu de sons en live, ce sera un petit jeu au cinéma, à vous de Alexis Loison. Et tu as d'autres projets en cours Alexis ou pas? Oui, là je vais tourner dès la semaine prochaine une web série dont je dois taire le nom et ah c'est le titre dont je dois taire le nom, ouais, c'est la suite de Ils sont partout. et à la rentrée d'autres projets oui aussi. Bon, c'est cool. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est qu'Aladin revient, va revenir, et que, on te verra en 2017, j'aime bien la version anglaise, Beauty and the Beast. Ouais. Parce que j'ai un petit accent. Merci, Alexis!